La musique a sauvé ma vie. Où serais-je à cette heure-ci? J'aurais goûté toutes les marques de whisky. Je décharge ma rancune sur compile téléchargeable. Je suis le même incompris qui n'est pas interchangeable. Notre cœur s'éteint comme un hublot de cave. Ce n'est que le début, j'ai des rimes insalubres au fond de la cale. On reste à la même place, peut-être qu'on prendra racine. Au travail, le câble, je calpine avec mèche de 8. Les années passent, on est en 2008. Plus motivé pour aller au chagrin. Terminé en peau de chagrin, on est solide. Derrière nos costumes poussiéreux, je suis dans la mauvaise époque. On m'écoutera pas sur vinyle poussiéreux. J'ai pas rencontré Dieu. Peut-être lui et moi, on est fâchés. Le péché est trop attirant. Le monde part en empirant. La musique est à tout le monde. Je ne suis pas un tyran. 19ème rang, je pose pour piano du bitume. Seul sans clan, je marche à l'instinct, aucun plan. Plan A, plan B. 19ème bâtiment A, on a le cœur plombé. Le cœur plombé, le cœur plombé. Je pose pour piano du bitume, seul sans clan. Je marche à l'instinct, aucun plan. Plan A, plan B. 19ème bâtiment A, on a le cœur plombé. Je suis venu mettre un peu de conscience. Dans ce monde inconscient, j'ai vu des gens prisonniers de leur poison jusqu'à l'inconscience. Ma prose part dans la tristesse profonde ou l'euphorie de la folie. Y'a que sous alcool que j'ai la positive attitude de Laurie. J'ai esclave de quelqu'un, je préfère être libre et manger que du riz. J'écris sans but précis, je laisse l'inspiration me conduire dans la route inconnue. C'est peut-être l'autoroute de la mort. Il y a beaucoup de prostituées sur le bas-côté. Le mal de cœur provoque des points de côté. On est dans un monde sans pitié où personne pourra te relever du bitume à part pour te dépouiller. L'homme simple et humain ne comprend pas pourquoi le sort s'acharne sur lui depuis petit. Quelle béquille aura-t-il pris? Le cœur n'a pas de prix, je le jette sur compile gratuit. Je pose pour piano du bitume, seul sans clan. Je marche à l'instinct, aucun plan. Plan A, plan B. 19ème bâtiment A, on a le cœur plombé. Plombé. Plan B, je pose pour piano du bitume, seul sans clan. Je marche à l'instinct, aucun plan. Plan A, plan B. 19ème bâtiment A, on a le cœur plombé. Plan B. DJ Choke, piano du bitume, cardio, cardiologue, Destroy Jack Salas, combinaison crade.